qui me fascine autant qu'elle me dérange. Je frissonne, poignardé par le beau. C'est comme dans la main le couteau. La blessure traverse mon cœur et j'ai la joie dans la douleur. Je m'enivre de ce poison avant de perdre la raison. C'est le bien qui fait mal quand tu aimes tout à fait normal. Ta haine prend le plaisir. C'est si bon de souffrir, succombe au charme d'un tilleul. C'est le bien qui fait mal quand tu aimes tout à fait banal. Ta peine, les vrais délices, passe par le supplice, baisse les armes d'un tilleul. Je ressens de violentes pulsions, j'ai l'impression de glisser vers le fond. Si j'ignore d'où vient ce fléau, j'adore l'avoir dans la peau. Des idées folles, soudain mes envies s'envolent. Le désir devient ma prison. Avant de perdre la raison. C'est le bien qui fait mal quand tu aimes tout à fait normal. Ta haine prend le plaisir. C'est si bon de souffrir, succombe au charme d'un tilleul. C'est le bien qui fait mal quand tu aimes tout à fait banal. Baisse les armes d'un tilleul. C'est le bien qui fait mal quand tu l'aimes tout à fait normal. C'est si bon de souffrir, succombe au charme d'un tilleul. C'est le bien qui fait mal.